Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Nasalimia kila ndugu na kila dada mjina ya Bwana Yesu Kristo. Nous en profitons pour saluer nos frères qui nous suivent en ligne. Tunasalimia pia banduku banatufuata munjia ya internet. Sans plus tarder, bila kugawia, nous vous invitons à vous tenir debout pour la lecture de la parole. Tunamialika msimame bwima juu ya usomi wa neno la Mungu. Je vais prier. Kwanza ntaomba. Dieu Tout-Puissant, Mungu wa uwezo wote, Créateur des cieux et de la terre, Mumbaji wa mbingu na dunia, Auteur du souffle de vie de toute chair, Mwanzishi wa pumzi ya buzima ya kitu kyote, Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Jina lako ni Bwana Yesu Kristo. Nous te disons merci, Seigneur. Tunasema asante Bwana. De ce que tu nous as rendu capable de te reconnaître comme vrai Dieu. Vile rutupatia uwezo wa kutambua sawa Mungu wa kweli. Ce n'est pas le nombre de diplômes que nous pouvions avoir. Aina bwingi bwa macheti ile tunaweza kupata. Non, ce n'est pas le rang social qui comptait. Aina macheo ile iko na mafaa. Mais tu nous as fait grâce. Alakini ulitufashia tu neema. Chacun de nous est témoin. Kila mmoja wetu ni mshuhuda. Que c'est toi qui as croisé son chemin. Ya kwamba wewe ndio ulikutana naye munjia. Maintenant l'amour que tu as manifesté à l'endroit de chacun, Seigneur. Sasa mapendo ile ulionekanisha kwa kila mmoja Bwana. Viens le matérialiser dans nos vies. Upate kuja kuionekanisha mu maisha yetu. Créant en nous une nouvelle nature vraie. Mukumba ndani yetu asili mpya ya mzuri. En circoncisant nos cœurs et nos lèvres. Na mukutairi mioyo yetu na midomo yetu. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela. Utusaidie Bwana tupate kuielewa. Et à nous tenir tranquilles à ta disposition. Na tusimame tu tayari mbele yako. Voici cette journée qui a commencé. Tazama hii mchana inaanza. Ceci est le moment le plus important pour nous. Injo wakati ya mzuri sana kwetu. Parce que c'est autour de ta parole que nous sommes rassemblés. Wani ni kando kando ya neno lako njo kule tunakusanyika. C'est cette parole qui a créé les cieux et la terre. Ni neno njo iliumba mbingu na dunia. C'est cette parole qui peut changer chaque vie. Ni neno njo tabadilisha kila maisha. Qui peut guérir toute maladie. Nawezi kuponya kila magonjwa. Cette parole a solution à toutes sortes de problèmes. Ni neno ikuna jibu kuma itaji yote. Maintenant, Seigneur, sasa Bwana, fais que nous soyons agrippés totalement notre vie à la parole. Mpate kufanya maisha yetu yambatane kabisa kabisa na neno. Viens nous en aide. Utusaidie. Brise le pain pour chacun ce soir. Uvunjie kila mmoja mkate magharibi ya leo. Et même nos frères et nos sœurs qui nous suivent en ligne. Hata banduku na badada wanatufuata munjia mtandao. Et même grâce que nous sollicitons auprès de toi. Mpate neema moyo moyo ile tunaomba kwako. Seigneur, sois sur chacun de nous. Ipate kwa yulu ya kila mmoja wetu. Nous le demandons avec foi. Tunaiomba na imani. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Amen. Amina. 1 Corinthiens chapitre 10. Wa Korinto wa kwanza sura 10. Je crois que chacun a sa Bible. Na wazia kila mmoja wetu yuko na Biblia yake. Faut se forcer d'avoir une Bible. Inapashi kujikaza juu ya kupata Biblia. Avoir des cantiques et une Bible, c'est bien pour un croyant. Uwe na bitabu ya mimbo na Biblia ni mzuri kwa mwaminifu. Vous ne savez pas. Amujui. Là où l'avenir vous conduira. Ule masiku ya kesho itakupeleka. Peut-être vous êtes un futur prédicateur. Sa zingine kumhubiri wa kesho. Un diacre. Shemashi wa kesho. Un pasteur. Wala pastori wa kesho. Vous ne savez pas. Wewe ujue. Et vous nos sœurs aussi. Na mwe badada pia. C'est vous qui êtes ministre de l'évangile même pour vos enfants. Mwenjo batumishi ba injili hata juu ya watoto yenu. Ne laissez pas la charge seulement au moniteur de l'Ecodim. Mushiachie kazi paka balimu ya masomo ya mienga. Mettez-vous régulièrement avec vos enfants kila et parlez-en. Kila wakati mwikale na watoto. Partagez la parole. Mwikale na watoto yenu juu ya kubambia neno la Mungu. Verset 11. Mstari wa 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ibibitu biliwafikia juu ya kusaidia sawa mfano. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Na viriandikiwa juu ya majifunzo yetu. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Kwa sisi bale turifika kui mwisho ya kizazi. Ainsi donc, hivi basi, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ule anazania kwa bwima asopoke asianguke. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Hakuna jaribu hata moja ile inaweza kumfikia yasipokuwa mkimo ya mtu. Et Dieu, na Mungu, qui est fidèle, mwenye kwa mwaminifu, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Hawezi kuruhusu mujaribiwe kupita kipimo yenu. Mais avec la tentation, alakini pamoja na jaribu, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Atatayarisha tena na njia ya kutoka mo. Afin que vous puissiez la supporter. Ili mupate kuivumilia. C'est pourquoi, bien-aimés, bapendwa, fuyez l'idolâtrie. Mukimbie kwa budu kwa sanamu. Je parle comme à des hommes intelligents. Niku nasema sa kwa watu wa akili. Jugez vous-même de ce que je dis. Mwenyewe mupate kuamua yenye mimi nasema. Que le Seigneur bénisse la portion de l'écriture. Bwana Mungu abariki sehemu la andiko. Notre sujet de la semaine, ya juma mzima, c'est faire l'issue. Niku pasua njia. Ah. Faire l'issue. Kupasula njia. C'est un sermon que Frère Branham a prêché. Ni mahubiri ile nduku Branham alihubiri. Faire, si nos caméramen peuvent projeter ça, je crois, ce sera bien. Ah, kama bafundi banaweza kuonesha ku television. Faire l'issue. Manake kupasula pa kutokea. Ça a été prêché le 4 mars 1956. Bariubiri le 4 mars 1956. Kupasula njia. Faire l'issue. Ça, c'est l'une des caractéristiques principales de Dieu. Hii ni mmoja ya matabia ya Mungu. Dieu ne peut pas, quand il appelle un homme ou une femme, Mungu hawezi wakati anaita mwanamke wala mwanaume, et laisser les choses te compliquer dans la vie. Na ache bintu bipate kuwa vya ngufu mu maisha. Et rester silencieux jusqu'à la fin. Na wakie tu kimya kufika na kumwisho. Non. Hapana. Ce sermon est apporté pour aider chaque sœur et chaque frère à comprendre que Dieu a tellement de l'amour pour ses enfants que même quand il laisse des choses arriver dans ta vie, ya kwamba hata kama anaacha vitu fulani binafika wa maisha yako, c'est toujours pour notre bien. Ni paka juu ya bizuri. Il veut que nous tirions une leçon une fois pour toutes. Anapenda tupate kupata amo majifunzo mara moja tu. J'aimerais que tous que nous retenions ça. Mina penda shibote tupate kushika. Romains 8:28 dit tout concourt pour notre bien. Munane makumbi na munane nasema biote biko kujua bizuri bietu. Apparemment les chrétiens voudraient un christianisme bien. Kwa konekana ba Kristo beko napenda ki Kristo kia kwa musalama. Ah. Où tout va bien. Mule biote biko naendeka. Même quand la maladie arrive, ataka mama gonjwa ikifika, qu'elle vous trouve avec assez de moyens financiers, ikikute kuna namna ya fedha, que les soins soient assurés, mapate kutunza kwa wepesi. Ou quand il y a des petits problèmes, kidogo, que ces problèmes trouvent déjà assez de moyens conséquents pour les résoudre. Ile mambo ipate kupata kujibu yawe kuimaliza. Or Dieu, japo Mungu, dans sa façon de voir les choses, munamuna yake ya kuona bintu, il ne nous a pas appelés pour croiser les bras. Ashikutuite ju tuikale bila kufanya kitu. Nous avons été enrôlés pour faire le soldat. Bari tuita mukazi juu tupate kutumika kazi ya kiaskari. Et nous devons combattre pour garder la foi. Na tunapashi kukumbana juu ya kuchunga imani. On est ensemble. Tuko pamoja. Prenez le livre de Juge. Mchugue kitabu ya Waamuzi. Juge chapitre 1. Waamuzi sura yake ya kwanza. Juge chapitre 3, je vais dire, pas 1. Wamzi sura ya tatu. Juge chapitre 3, verset 1, nous commençons. Wamzi sura tatu. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tazama mataifa ile wa milele aliacha juu apate kupima nayo Israeli kupitia yayo. Tous ceux qui n'avaient point connu toutes les guerres de Canaan. Bale bote abakujua hii mavita yote ya Mukanana. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Alipenda juu ya bizazi yote ya batoto ya Israeli wapate kujua na kujifunza. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Bale abakujua ke vita tangia kumwanjo. Verset 4. Msari ya ine. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve. Hii mataifa ilisaidia juu ipate kupima Israeli. Afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Ili wa milele apate kujua kama batati kuamuri ile ribandikia kupitia kwa baba yabo kupitia Musa. C'est ça la technique de Dieu pour entraîner ses enfants. Jo namna ya kutenda ya Mungu jua kufundisha batoto yake. Alors comprenez que tout ce qui nous arrive dans la vie. Muelewa ya kwamba yote ile natufikia maisha. Une fois devenu chrétien ou croyant. Kisha wewe kuwa mkristo wala mwaminifu. Tout ce qui nous arrive, toute épreuve. Majaribu yote, toute difficulté, magumu yote, tout, yote, à moins que ça ne soit un châtiment à cause d'un péché. Mais dans le cas contraire, kama ina vile, Dieu veut bien entraîner ses enfants. Mungu anapenda kufundisha mzuri batoto yake. Parce que selon Apocalypse, kufatana na ufunuo, les promesses sont pour les vainqueurs. Malako ni ya bashuja. On ne peut pas vaincre sans combat. Hawezi kushinda bila kupika vita. Amen. Amina. On ne peut pas devenir vainqueur sans avoir combattu. Hawezi kuwa mshindaji bila wewe kupika vita. Et ce qui fait, nous devons nous réjouir quand il y a des épreuves. Nous devons nous réjouir quand il y a des afflictions. Nous devons nous réjouir quand tout devient compliqué. C'est là le moment où notre foi doit briller aussi. C'est ça le christianisme. Dieu ne nous appelle pas à nous reposer. Le temps du repos viendra. Mais présentement, nous avons amené la bataille, la guerre. Deutéronome 8. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Ukumbuke miaka yote wa milele alikufanchisha miaka yote makumi miaka makumi ine mujangwa. Afin de t'humilier. Ili upate kunyenyekeza. De t'éprouver. Na kupima. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Jua kujua taarisho ya moyo wako ilikuwa namna gani. Et si tu garderais ou non ce commandement. Na kama utachunga au hapana maamuri yake. Il t'a humilié. Alikufezeresha. Il t'a fait souffrir de la faim. Alikupitisha mateso ya njaa. Il t'a nourri de la manne. Alikulisha manna. Que tu ne connaissais pas et que tu n'avais connu tes pères. Ili akujua na ile baba zako abakujue. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain. Il a pas te kufundisha kwamba mtu ataishi kwa mkate tu. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alakini mtu ataishi kwa yote natoka mkinywa wa milele. L'objectif pour Dieu, kia Mungu, c'est que un véritable croyant, une véritable croyante, ne doit attacher son cœur qu'à la parole de Dieu. Quelle que soit l'affliction dans laquelle tu te trouves, quelle que soit les maladies, quelle que soit les peines, quelle que soit tout ce que tu peux expliquer là, il faut une fois pour toutes maintenant, parce que c'est Wamini Yakusema. Il faut jamais dire que moi aussi je suis un humain. J'entends ça souvent parmi les frères et les sœurs. Moi aussi je suis un humain. Kombana sana muimani yako. Combat tellement dans ta foi. Ikuyeka kusema na mie ni kumu Kristo. Pour savoir que je suis aussi un humain. Il faut pas c'est-à-dire, se langage que je suis un humain. C'est comme qui dirait, tu voulais dire, accepter aussi ce que je peux faire. Accepter aussi que je puisse boire la pétanque. Accepter aussi que je puisse insulter et pourtant, les gens. Nous sommes ici pour être comme Christ. En aucun cas, en aucun jour, Jésus étant tellement coincé, il pouvait dire, ah, je suis aussi un humain. Non. Il s'en remettait au Père. Kwa baba. Or, c'est lui notre modèle. Amen. Amina. Frère, Nduku. Chaque fois que nous venons, kila mara tu regarde que fait Dieu. Wangare kile Mungu la parole, neno, en termes simples, c'est ça notre bouée de sauvetage. Njo, ngabo yetu ya okovu yetu. Bon, monsieur, comment on peut traduire ça en soi? Munona kama muntu ananguka mumba ya shwe kunaje. Voyez-vous lorsque quelqu'un est immergé dans l'eau et qu'on n'est pas nagé? J'ai vu ça dans le temps qu'on était des jeunes. Biliona wakati tuko babiana. Nikubeba chambre à air ya motoka. C'est prendre la chambre à air du véhicule. Unaingia mule ndani. Tu vas entrer là. Beko nakwambia c'est no bamba paka vya utaingia. Tu te dira tiens très fort sur la chambre à air, tu ne seras pas immergé. Una shango kupa mayu kupaka yulu. Tu seras surpris, tu es tu flottes. Et c'est ce que fait la parole. Jo kile neno la Mungu. Quand nous regardons la parole. Wakati tunaangalia kuneno la Mungu. Jo nafanya ke. C'est ce qui fait à ce que. Mama mbele iko na tupata. Les difficultés qui nous arrivent. A tout est dit Mr. Di Muswahili on dit kujibila. Kutumbukia. Kutumbukia. Ah, kujibila. C'est ce terme-là. On ne peut pas se noyer. Kama muntu anaanza kujibila, lorsque quelqu'un se noie, alors il est le kalaka ne tusaidia shie. Ce qui nous aide, ni neno la Mungu. C'est seulement la parole de Dieu pour ne pas se noyer. Pour que ubakie mon frère a au sœur ou à bien quoi. Quand tu restes frère, il ne signe tout ça idiaka. Ce qui nous aide, c'est la parole. Na utona une fois pour toute maisha. Verra que une fois pour toute ta vie. Le langage de dire que je suis sixième humain. Si tu dis que je suis sixième humain, c'est-à-dire tu seras noyé, tu vas te noyer. Ah, tu seras noyé. Tu vas te noyer. Or pour que je parte kujibila mumai. Pour que tu ne te noies pas. Mama gonjo. Mama mbo na fika. Dans des difficultés qui t'arrivent. Bamba paka neno la Mungu. Ceci seulement la parole de Dieu. Amen. Amen. Il faut maintenant kujifunza kusema. Il faut apprendre que mimi kwapa ni jubu muntu bukufwe ni kuye mu Kristo. Je suis ici pour que ma nature humaine puisse disparaître que je suis un chrétien. Frère, du coup la vocation qui est la nôtre. Mwito yetu. Peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand on vient à l'église, c'est malheureux aujourd'hui avec le christianisme. Les gens viennent parce qu'ils sont habitués à venir à l'église. Dans le christianisme, il y a une telle profondeur. Il faut certaines choses seulement les expérimenter. Même quand on te les aura prêchées, peut-être tu ne comprendras pas. Il faut que des choses t'arrivent pour que tu voies le miel qu'il y a dans le christianisme. Maintenant, c'est très compliqué. Quand nous parlons comme ça, des fois les gens prennent note, ils entendent, ils disent, bon, dans le christianisme, il y a des choses. Mais désirez les expérimenter. Désirez les expérimenter. Or, pour bien les expérimenter, prenez des décisions contre votre volonté et devenez chrétien. En devenant chrétien, Christo, Dieu lui-même commence à évaluer votre foi avec le genre de preuves qu'il vous faut. Il n'y a pas meilleur formateur que Dieu. Il connaît chacun de nous. Il connaît chaque cœur. Il connaît chaque esprit. Et il sait diriger des épreuves selon que ça te convient totalement. Et quand il dirige une épreuve vers toi, sois content parce qu'il veut démontrer ce qu'il est en tant que Dieu en ta faveur. Or, c'est là que nous nous faillissons beaucoup. Nous manquons à expérimenter Dieu. Or, nous voulons aller au ciel. On ira pas au ciel. Étant des raisonneurs. Non. Nous serons amenés à prendre certaines décisions. Tu peux te dire, est-ce que ceci, ça peut vraiment réussir ou pas? Or, Dieu nous veut ça. Mais le chrétien aussi recule. Vous savez, c'est comme je l'ai dit une fois. Dans cette Bible, il y a tellement de promesses. Et nous, nous croyons que nous commençons à renvoyer ça plus tard. Mais entre-temps, nous allons mourir. Si Jésus tardait. Nous lisons des choses. Et nous croyons que c'était bien. Oui, c'était bien pour eux, pour les Daniels et tout ça. Quand c'est toi qui es appelé en scène, regardez ce qui arrive. C'est submergé dans l'eau. Vous n'allez même pas croire que celui-ci a déjà cru. Or, Dieu promet que quelle que soit la tentation, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, quelle que soit quoi que ce soit que vous pouvez vous imaginer, la promesse dans 1 Corinthiens dit Dieu lui-même, pas un homme, pas l'église, lui ouvrira une voie. Mais ayant donc une telle promesse, quand les choses deviennent compliquées et noires, le chrétien n'a qu'une seule détermination. C'est celle de savoir une porte s'ouvrira. Comment, je ne sais pas, mais elle s'ouvrira certainement. C'est ça la chose qui nous manque. Prier. Je vois des frères et des sœurs venir prier pendant longtemps. Venir à l'église, écoutez. Vous venez à l'écouter. Mais regardez peut-être les mêmes personnes. Frère, c'est là que nous devons maintenant nous arrêter. Et dire non, nous devons passer à une autre étape maintenant. On ne peut pas demeurer dans le centre de formation militaire pendant des années, non. On vous forme pendant un temps, et puis on vous jette sur le terrain. Et nous, aujourd'hui, nous avons besoin, chacun individuellement, de foncer maintenant sur le terrain et de montrer ton christianisme ou ta foi. Que le Seigneur vous bénisse. Faire l'issue. Pas sous l'angia. C'est une grande promesse que Dieu a faite. Que lui-même frayera la voie. Et regardez tout au long de la Bible. Dieu n'a jamais manqué au rendez-vous. Dieu n'a jamais manqué pour ses élus et pour son peuple. Dieu n'a jamais manqué à ça. Prenez tous les cas dans la Bible. Aucun n'a manqué de voir l'intervention divine. Amen. Amina. Je donne un exemple. Naleta mfano. Rab. Plutôt pas Rab. Agar. Frère. Je crois que c'était un vendredi, j'en parlais. Une femme sans promesse. Avec un enfant sans promesse. Parce que Dieu, les promesses de Dieu et les alliances, c'était pour Isaac. Vous connaissez l'histoire d'Agar, son attitude et l'attitude d'Ismaël vis-à-vis de Sarah. Agar qui s'enfuit au désert, Agar anakimbia kwenda mjangwa, avec son fils, na mtoto yake, arrivé à un moment, ufike fazi moya, c'était désespéré. Akukuwa tena tumaini. Il n'y avait plus rien à espérer. Akukuwa tena kia kutumaini. Agar était convaincu que maintenant pas de coup foi. Rab alijua kwamba hapa mimi Mungu est entré en scène. Aringia mukibeta. Nous nous posons la question, c'est comme je le disais. Tunajiuliza. Quand vous regardez Agar, quand vous regardez Ismaël, quel intérêt Dieu avait-il dans cette affaire? Parce que cette affaire, c'était une combine de Sarah et Abraham. Il y a une mambo ya Sarah na Abraham. Si c'était Isaac, je comprendrais. Mais Ismaël, Dieu qu'avait-il à voir avec cet enfant? Lui-même le traite d'un âne sauvage. Regardez comment l'amour de Dieu, à cause tout simplement d'une semence biologique de son serviteur Abraham, Dieu est allé secourir cet enfant et sa maman. Qu'en est-il de toi et moi? Qu'en est-il de toi et moi? Si les gens des dénominations ici, frère, on le voit aussi proclamer la bonté de Dieu. Et ne sont pas dans la promesse que nous, nous avons. Bon. Nous, on a, qu'ils n'ont pas là, la promesse que nous, on a. Bon, Dieu n'a aucun engagement avec eux pour aller au ciel. Mungu anana Dieu est dans kumbingu. L'engagement du ciel avec toi et moi. Mungu mipango na we, na mi, kumbingu. Mais regardez ce qui arrive. Rasa tazama ile il suffit qu'un frère ou une soeur soit en difficulté, apate kwa katika magumu. Ane di perdre na imani nya ute yona, si il se perd totalement, vous n'allez même pas voir la foi. Il suffit d'une petite tentation. Jaribu tu kidogo. Vous allez voir les frères tomber comme s'ils n'avaient même pas cru au message. Mais notre bouée de sauvetage, nous l'avons. Vous avez déjà vu quelqu'un ça. S'est noyé et pourtant il a quelque chose pour, avec lequel il peut se trouver. La chose qui peut être dans les péchés. Mais pourquoi tu tombes encore dans les péchés? L'avez-vous déjà vu? C'est à dormir debout. Aïe, il n'y a que là la bouille. Mais nous avons ça. Tout le monde. Mais nous nous noyons. Les gens ont la parole. Mais leur christianisme. Température zéro. C'est pas correct. Nous avons la parole de vérité qui a fait de grandes merveilles dans l'histoire. Il le Dieu de vérité qui a fait de grandes merveilles dans l'histoire. Mais regardez maintenant ce que nous sommes devenus. C'est température zéro. Et la parole est apportée pour réveiller chacun de nous. Que chacun comprenne que cette chrétienté que moi j'ai correct, n'est pas correcte. C'est pas juste. C'est pas correct. La Bible dit psaume 119. Zaburi 119. Psaume 119. Zaburi sura 119. Psaume 119, Zaburi sura 119, 155. Musari ya 115. Le salut est loin des méchants. Wokovu ikumbari na batu babaya. Si le salut est loin des méchants. Kama wokovu ikumbari na batu babaya. Il est près de qui? Iku karibu na nani? Est-ce que muna sikia mzuri? Est-ce que vous avez bien compris? Musada ya Mungu ikuye mbari kwa bantu babaya. Il est très loin de Mena bantu bazuri musada ya Mungu ikuje. Il est juste le secours de Dieu. C'est-à-dire si ukaribu. C'est-à-dire il est proche. Mena bantu bazuri ni banani. Les justes c'est qui? Ni bale bako mazebu bien ici. Ce sont ceux qui sont dans les dénominations. Mukono ya Mungu iku karibu na baminifu. La main de Dieu est tout près de baminifu aina miaka ya mingi. Ce ne sont pas les nombres d'années. Ata ba frère na ba sœur bale baptisu a dimanche. Même les frères et les sœurs qui ont été baptisés. Bamina kusema mukono ya Mungu iku nabo karibu. Ils croient qu'ils sont. Uwezo ya Mungu iku nabo pamoja. La puissance de Dieu est tout pourquoi près de. Pourquoi Dieu parle comme ça? Janine Mungu asema hivi. C'est pour montrer kusema. Dieu connaît chaque. Dieu est avec celui qui a cru. Mungu yuko pamoja na yule anaamini. Peu importe ce qui peut arriver. Aizuri ile naweza kumfikia. Et Dieu, la main de Dieu qui sauve, c'est quelle main? Mkono ya Mungu ile kuna ukoa. Dieu sauve par sa parole. Mungu yuko naokoa kupitia neno lake. Dieu intervient, vient secourir un homme quand il envoie la parole. Mungu yuko nasaidia mtu wakati anatuma neno lake. Bwana mbariki. Kile Seigneur vous bénisse. Mais regardez ce qui est embarrassant. Muone kitu kia kushangaisha. Les gens reçoivent la parole. Watu wanapokea neno. Mais c'est cette parole là. Ni ile neno ile. Qui est le secours de la part de Dieu. Joenye kwa msaada kwa upande wa Mungu. Toutes ces choses ont été écrites. Hivi vitu vyote viliandikiwa. Pour montrer à chaque frère, à chaque sœur. Ya kuonesha kila ndugu na kila dada. Tout ce qui peut arriver dans ta vie. Ya kwamba yote inaweza kufika. A une solution. Iko na jibu. Et la solution c'est Dieu. Na jibu ni Mungu. Mais regardez maintenant quand le problème arrive. L'homme perd le contrôle et il ne croit même pas que quelque chose peut arriver. Mais avec ça, nous voulons aller au ciel. 160. Regardez comment Dieu parle. Le fondement de ta parole. La base de la parole, musingi ya neno c'est la vérité. Ni ukweli. C'est-à-dire, dans cette parole ici, muineno, il n'y a aucun mensonge. Amuna bongo, tout ce qui a été écrit, yote tout ce qui est dit, yote avec tous les personnages bibliques, na batu bote ba mbibia, cela est déjà arrivé. Inesha fikaka. Cela est la vérité. Ni ukweli. Il n'y a point de mensonge dans cette parole. Amuna udanganifu muineno. C'est pour montrer aux croyants Dieu akonesha kwa waminifu que dans cette Bible, tout ce qui a été dit, c'est la vérité. Tout ce qui a été cité, cela a eu lieu. C'est à toi d'examiner. C'est cas difficile qui était arrivé. Dieu avait annoncé. Est-ce seulement mon petit cas? Est-ce que c'est seulement mon petit cas qui ne peut pas? Mungu mwamoya wewe unaamini. Le même Dieu là en qui tu crois. Mungu mwamoya bazamani bariamini. Le même Dieu là en qui les anciens. Mais ma circonstance yote arbasaidia. Dans toutes les circonstances il les avait aidés. Arrivé à notre tour. Fika sasa mwakati yetu. Dieu a vieilli. Mungu anazeka. Il n'a plus de réflexes qu'il avait dans le temps. Na mafikili ile alikuwa nayo zamani. Dans la médecine, mukinganga, il y a des produits. Mungu madawa. X temps ça a servi. Wakati fulani ilitumika. Maintenant non, il y a une nouveauté. Sasa kuna kwa ya sasa. Il y a amélioration. Kuna kwa kutengeneza. Posez la question aux infirmiers, aux médecins. Muulize ba munganga bakubwa na badogo. Tout évolue. Yote inaendelea. Mais en Dieu, il n'y a pas d'évolution. Lakini ndani ya Mungu hamuna mabadiliko. En Dieu, il n'y a pas de progrès. Ndani ya Mungu hamuna maendeleo. Mungu amkalaga sima hapa sasa anapata form. Il n'y a pas de nouvelles formules. Non. C'est depuis le commencement. Il est standard. C'est-à-dire, il avait vu toutes les circonstances par lesquelles passerait chaque frère et chaque sœur. Et lui a vu ça. Et il a regardé. Il a dit, ma parole suffira pour résoudre tous ces problèmes. Mais qui ont reçu cette parole-là? Je suis là-bas, tout ça, qui est là. C'est nous qui sommes ici. Dans la tête, dans le cœur, dépassé. Oh, tu n'as shinda quoi na tumaini. Amona c'est contradictoire. Ne voyez-vous pas qu'il a pinganishana? Comment on lise qui la frère? Si vous posez la question à chaque frère, si posez la question à chaque sœur. Bantu beko na maman bo iku isha kuba pita kipimu. Les gens ont des difficultés auxquelles ils n'ont pas de solution. Mais ayant Dieu, quand nous disons rien n'est impossible à Dieu. Amen. Hakuna kitu asipowezekana mbele ya Mungu. Tu as des problèmes qui te dépassent. Lakini kuna mambo yanakushindia. Mais tu as Dieu au devant de qui rien n'est impossible. Kuna Mungu ule hakuna kitu ya kumshindia. Sasa tutaenda ku ile njoo exercice ya chini avant kwenda kumbingu. Le petit exercice avant même d'aller au ciel. Tutaenda kumbingu je mambo ya hapa mbele iko ne tu dépasser. Mais est-ce qu'on ira au ciel pendant que les mais il y a le Dieu qui peut amener quelqu'un au ciel. Lakini benye kwa na Mungu latapeleka mtu kumbingu. voyez? Munaona? C'est ça le christianisme d'aujourd'hui. Joki Christ ki leo. C'est ça la foi d'aujourd'hui. Jo imani ya leo. Des fois, quand nous lisons des choses qui sont arrivées avec les disciples, kila mara tukisoma bitu birifikia banafunzi, utaanza kubiona sana ni bintu mwa mbobo tu na bichikaka paka vile. Tu vas croire que ce sont des choses qu'on accepte comme ça. Mais placez-vous dans les mêmes circonstances. Uliweka mwile ali moya moya. Na beba yako imani. Hii uko nayo leo. La foi que tu as en ce temps-là. Mwile wakati. Moi je crois que ukuta kwa mkristo. Je pense que tu ne serais jamais chrétien en ce temps-là. Sasa kama unaona kusema njoo vile biko. Si tu crois, tu vois que c'est l'occasion ça... chaque jour que nous venons. Kila siku ile tukunakuja. Dieu nous jette une bouée de sauvetage. Mungu anatutupia kitu kia kutukoka. Pour que wangana na wamnye imani yako kusema ni position niko. Dans cette position je Mungu anafia leo ni bambe mambo amu. Je voudrais que je puisse saisir la parole de Dieu. Croyez-vous ça? Dieu nous jette même ce soir une bouée à chacun pour montrer à chacun l'état de ta foi avec laquelle tu restes. Tu n'expérimenteras jamais Dieu dans ta vie. Mais que fait Dieu ce soir? Chacun une bouée de sauvetage pour que ta foi s'ancre vraiment dans la parole. Que tu expérimentes la parole. Que tu désires d'expérience en expérience. De profondeur en profondeur. Avec Dieu, il y a une profondeur. Même à l'enlèvement, on n'expérimentera pas ça. Parce qu'il reste Dieu. C'est comme frère Branham donnait un petit commentaire. Il dit c'est comme un petit poisson qui est dans l'océan. Que je boive un peu d'eau pour ne pas terminer toute l'eau. Non. Apana. Non. Apana. Cette église, je ne parle pas de tous ces mouvements religieux qui accompagnent. Chaque frère, chaque sœur, on a besoin, pas demain, aujourd'hui, à être affermi tellement dans la parole que chaque frère, chaque soeur, ses pensées, ses sentiments doivent être la parole de Dieu. C'est mes frères, c'est possible. Frère, est-ce que cela c'est possible? Mais pourquoi Dieu l'avait-il demandé à Josué? Il l'a dit à Josué quoi? Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. L'homme a été créé pour ne capter que des choses qui viennent de la part de Dieu. Pour ne sortir de sa bouche que des choses qui viennent de Dieu. Dieu voulait que Josué, toute sa vie, qu'il soit debout, qu'il soit endormi, toutes ses pensées soient seulement la parole. Si Dieu l'a demandé à Josué autrefois, quel sera le Josué d'aujourd'hui? Nikumuntu. Je suis aussi animé. Si Josué devait parler de cette Kama façon, je crois qu'il n'entrerait pas dans la terre promise. Pour quiconque Dieu appelle, Dieu veut que cet homme, tout son subconscient, tout son être, soit affecté seulement par la parole. Et cet exercice-là, c'est toi-même et moi, nous devons nous appliquer à ça. Nous devons nous efforcer que la parole soit notre vie, soit notre pensée, que nous croyons véritablement qu'ayant la parole en nous, cette parole a solution à chaque problème. Commence d'abord par les petits problèmes auxquels tu es confronté et tu es dépassé. C'est comme ça que Dieu jette sa bouée de sauvetage. Israël, eux savaient que Dieu nous a déjà donné le pays. Mais ce n'était pas à Dieu de venir descendre, prendre les armes et commencer à chasser les Cananéens. Dieu, sa parole suffisait. Quiconque la reçoit comme étant la vérité, cela se fera voir. Mais quiconque reçoit la parole que vous recevez ce comme étant la vérité et passe à l'action, verra tous ces problèmes comme des Cananéens se mettre à genoux. Le malheur, c'est quoi? Une grande partie des membres de nos églises. Ah, c'est comme les 10 espions. Nous regardons au problème, nous regardons aux maladies, nous regardons aux difficultés, nous regardons à tout ce qui nous arrive là. Nous perdons de vue que Dieu est plus grand que ça. Tunakosa tumaini ya kuyua sema Mungu ni mkubwa kushindia bibi yote. Non. Hapana? Non. Hapana? Frère. Nduku. Mishiwe kama bukristo atubo experimenti hapo. Mishina na shione kumbingu tutenda kufani. Si on experimente pa la kretente, je ne sais pas au ciel. D'où viendra la foi de l'enlèvement? Asa imani ya kunyanyuliwa tatokia wako. Pake vitu mwana kukana. Toujours étant assis comme ça. Ce qui va amener la foi de l'enlèvement, c'est quoi? Ce sont ces expériences dans lesquelles nous marchons. Amen. Amina. Ce sont ça, ce sont ces expériences qui produit, qui fera que notre foi augmentera davantage. Et nous croirons que l'enlèvement est une bonne chose. Il nous faut l'enlèvement maintenant. Kunyanyuliwa ni kitu kizuri. Unaona leo dire aux gens que leo kuambia bantu ya kwamba il faut souhaiter l'enlèvement. Napashi mutamani kunyanyuliwa. Uliza maro abantu bangapi wana souhaiter l'enlèvement. Posez la question à beaucoup de gens, combien souhaitent l'enlèvement? Ce n'est pas un secret. Qui désire l'enlèvement dans leur cœur maintenant? Natamani kunyanyuliwa mumoyo wake hapa sasa. Puisque vous ne le désirez pas. Vous désirez quoi? Munatamani nini? Restez sur la terre. Mais sur la terre. Prenez les expériences. Pour que les expériences fassent naître la foi de l'enlèvement. Juma onjo izalishe imani ya kunyanyuliwa. Et tant qu'il n'y a pas d'expérience, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Hamutakuwa na imani ya kunyanyuliwa. Ça je vous l'ai dit. Mina miambia hayo. Le christianisme est un travail. Christo ni kazi. La foi de l'enlèvement vient à force des expériences. Mais tant qu'il n'y a pas d'expérience, wakati la kuna maonjo, ah, la foi de l'enlèvement est très loin de vous. Imani ya kunyanyuliwa iko mbali nawe. Vous en parlerez, utaisema tu, vous chanterez, utaimba, mais ce sera un slogan. Itakuwa tu ni sawa mimbo. Si bien que atavile, à la question de savoir si vous voulez l'enlèvement là, mambo ya kujua kama unapenda kunyanyuliwa kule, vous serez hésitant. Ah, utakuwa ushakia. Comment expliquer que l'église primitive, namna kani kufasilia kanisa dans leur salutation, eux étaient chaleureux, désiraient l'enlèvement. Ngo baritamani sana kunyanyuliwa. Mais par rapport à nous, kwa kutuangalia sisi, sinon on a semé. C'est un slogan. Nous sommes restés dans la quête. C'est un père oye oye. Mais quand on ne vit pas l'idéologie de votre parti, et l'église est malade. Quand vous, pour comprendre l'état de l'église, regardez seulement Apocalypse 3. Nous ne savons même pas que nous sommes malades. Si c'est à toujours attaché, ma tuko bagonjo. Mais Dieu nous veut. Alors qui ne mungu na penda. C'est pourquoi ce petit sermon aidera chaque sœur et chaque frère à comprendre qu'il y a devant nous des choses meilleures dans lesquelles nous devons marcher afin de désirer un moment l'enlèvement à tout prix. Regardez comment Apocalypse parle. Et l'esprit et l'épouse disent: viens Seigneur. Mais nous devons arriver à ça. À un moment, ça ne doit être que ça comme parole de, qui sort de nos bouches. Frère, viens soit tu bébé Léo. Viens soit tu bébé Léo. Mais ce sera quand? On renvoie ça plus tard. Mais dans l'entretemps, tu yenge ma nyumba, que les enfants terminent les études, qu'on marie les filles. Maman pour mon néné. C'est compliqué. Bina kwa nguvu. C'est compliqué, je bina vous dis. Atari, na miambia. Un Pierre. Petro wa kwanza. très compliqué. Inakuwa hatari nguvu sana. Deux pierres plutôt, pas un pierre. Deux pierres, chapitre 3. Petro apili sura tatu. Deux pierres, chapitre 3, verset 12. Petro apili sura tatu musara kuminambili. Attendez. Mchunge. Et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Mambo fulani ya siku ya Mungu. Apan, traduire mzuri. Attendez et hâtez l'avènement. Ah, mchunge na muarakishe kurudi kwa siku ya Mungu. Ni banani batarakisha? Qui sont ceux là qui font? Nous. C'est hâtez, c'est nous. C'est ni, nous. Ni sisi. Que chacun dise d'abord que ni miye. Kila mmoja dise c'est moi. Ninjo mena pasha kufanya ke kurudi kwa Yesu kukuye mbio. C'est moi qui dois faire à ce que les retours de Jésus Christ soient vraiment. Wewe unasema mena uliulize ukumwe. Pose-toi la question, tu es dans quel état? Utaona kusema, tu verras que ce que la bouche confesse, kile kinywa na kiri, le cœur est ailleurs. Moye kukungine, maintenant nous prêchons pour ramener la confession de la bouche et du cœur, il pas de quoi fâcher. Que chacun comprenne que c'est sa responsabilité de faire que l'enlèvement ait lieu vite. Ya kufanya sema kunyanyulio kukua haraka. Les gens sont apaisés, ils disent. Je paye une deuxième parcelle, mais toi tu parles de l'enlèvement. J'attends que mon enfant termine les études cette année. Mais c'est ce qui n'était pas dans l'église primitive. Mais nous voulons aller au ciel, là où il y a, au paradis, là où il y a tous ces gens qui eux vivent comme ça. Penda kwenda paradis, mune mukuba levantu bo barukwa na ishi hivi. Frère, Duku, l'espoir pour l'église primitive, tumaini ya kanisa kumwanjo, c'était seulement parti. Ilikuwa ni paka kuenda tu. C'était parti. Ilikuwa ni kuenda. Et nous devons arriver à ce stade-là. Sisi tunapashi tufike mwile kimo. Que cela soit le désir de chaque frère et de chaque soeur, jour et nuit. Ipate kuwa kutaka kwa kila nduku na dada usiku na mchana. Kutaka kani? Kuenda. Cela veut dire qu'il ne faut pas étudier. Manake isi ginasema samu shichumbe. Cela veut dire qu'il ne faut pas être fiancé. Eti nasema samu shichumbiwe. Ayez ça dans vos cœurs, vivez étant ainsi, mais que le désir le plus profond soit de partir. Voyez comment les amens sont très lourds. C'est ça la température de l'église. Anjo, kimo ya kanisa. Na mwe na miye. Et vous et moi. Tombe Mungu sasa kusema. Prions Dieu pour que. Seigneur, utufikishe mukipimo tupende kwenda kumbini. Bwana, pousse-nous à atteindre un niveau d'aimer d'aller au ciel. C'est à nous que Jésus-Christ puisse retourner. Je ne sais pas, ce sont des Kimbangu. C'est parce que je vous vois empêcher. Ce sont des Kimbanguistes qui cherchent à aller au ciel. C'est ceux qui ont crié ici le dimanche et nous les anciens. Et maintenant, si nous les anciens, nous sommes très pesants. Ceux qui viennent de croire, qu'est-ce qu'ils feront? Nous allons les coincé. Malgré que nous sommes venus, frère, ba mingi na ba soeur, beaucoup de frères et de sœurs, vous avez moi y compris. Nous sommes très lourds, nous ne voulons pas aller au ciel. Or, Mungu wakona tukusanyisha hapa shikote. Et pourtant Dieu nous rassemble ici tous les jours. Ikuye na waka sana mumaro yetu. Pour se vraiment briller ardemment dans nos cœurs. Na pour que wake sana. Pour que ça brille ardemment. Il faut muntu na muntu. Il faut que chacun de nous. Dans toutes circonstances qui nous arrivent. Tone mukono ya Mungu kututenda maajabu. On va y la mettre à Dieu. Kumzuri kumbi kwenda kumbingu iku chiloko. Nous désirerons vraiment aller au ciel que ceci est moindre. Ceci est très moindre. Les gens sont devenus très apaisés. C'est quoi ça? Nini? C'est ça la Odyssée. La Odyssée. À la place de Dieu, il y a trop de projets. Trop de fardeaux. Et pourtant, nous disons que nous avons été rassemblés. Pour le message nous prépare pour aller au ciel. Oui, le message, c'est ce que je vous dis. C'est ça la préparation. Le Saint-Esprit sait voir l'état wana. De chaque cœur. Que réellement, les cœurs ne sont pas encore préparés. Pour que les cœurs soient préparés, vous-même tournez-vous vers Dieu maintenant. Et soyez sincères. C'est même difficile de demander aux gens de jeûner. Vous allez demander aux gens de jeûner. En sortant. Non, j'ai un problème. Cet homme-là, quand est-ce qu'il sera prêt? Quand est-ce qu'il va chercher d'aller au ciel? Ceux qui doivent aller au ciel. Attitude spontanée. Ils ont des attitudes gafla. Spontané. Parce que mambo ya mbingu, puisque le problème il n'achinde tout autre projet qu'on a sur la terre. Ça dépasse mambo oh, si tout autre projet qu'on a sur la terre. C'est là que ton cœur pense. Mbingu se sera renvoyé au calendrier grec. Le ciel n'a quoi ya quelque chose que ça ne vienne même pas aujourd'hui. Voyez-vous l'état dans lequel nous Frère, nous trouvons? Nishi bote tutamania kusema il faut kwenda ku mbingu. C'est nous tous qui devrions envier d'aller au ciel. Kama itaweza kufanyika dans une semaine, tufanyeni nguvu tukue tayari mu une semaine twende. Si ça peut s'effectuer dans une semaine, qu'on fasse le effort. Accepte là où tu es. Ichika kusema kumbi mambo kwenda ku mbingu kuma ya mafa. Accepte que le problème d'aller au ciel est très important. Hapana kuchunga mansenye mamba kongeze tsema mbele ke mina penda nyende ku mbingu. Il faut pas attendre. Content, dans combien de temps, dans un bref délai, mon gars, que Dieu m'aide, que je me prépare. Toutes ces choses sur lesquelles je me que ça soit d'abord mis de côté. Bien de pembe. Que ça soit mis de côté. Dans ce cas-là, Mouille wakati, même la rentrée scolaire, tu as dit, bien de pembe. Mettez cela d'abord de côté, que les enfants chôment ou pas, qu'on aille d'abord au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes devenus trop pesants. Et la température est zéro. Maintenant, il faut tout l'amour. Il faut qu'on se réveille. On va se réveiller avec quoi? Il n'y a rien que Dieu peut faire si ce n'est qu'à envoyer sa parole. Lorsque nous c'est comme je vous l'ai dit. C'est ça notre bouée de sauvetage. Pourquoi déjà tout le monde nous étions en train de se noyer. Il y en a qui passent sur la porte. Chacun à sa manière s'enfoncer. Maintenant, qui sont ceux-là qui doivent aller au ciel? Est-ce que ce message a été envoyé pour avoir seulement la connaissance? Non. Si tu recouilles pas une anjou, il canisse tu y as et couille ça. Bâtiment couboulaya. Ce n'est pas pour remplir déjà ici comme un bâtiment là de l'Europe. Frère, ça c'est autre chose. Et tout ce que vous faites. Et toi, tu es ça reste. On aille au ciel, c'est mieux. Bibaki et il tout chaque fois il va te passer au chef pénal. Mais quand ça kumbingu, cela doit être une préoccupation de chaque jour. Il n'a pas choisi un gaïko yakila siku. Il faut tu fiques mon kipimbo. Il faut qu'on arrive au point. Mais si on n'est pas en mesure de dire ça, il y a quelque chose de faux dans nos expériences. Même si on chante, on danse, on fait tout ce qu'on fait, on doit être en mesure. Chaque frère, commençant par moi, jusqu'aux dernières chaises là-bas, chaque soeur, nous devons être en mesure. Ne voyez-vous pas qu'il est mieux de partir? Ça doit être ça notre foi. Et si on n'arrive pas à ça, on a failli. Maintenant, quoi va avoir cru le message? C'est mon ancien Dieu message. C'est ça le message que vous avez. Vous voulez que je prêche quoi? Moi, je veux que vous et moi nous allions au ciel. Là où il n'y aura pas de vieillesse. Là où il n'y aura pas de maladie. Nous avons des questions. Quelque chose qui a un gain. Vous voulez une perte? Non. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Que chacun de nous dise Abiwezekane. Comment mina kwa kashiko te kanisa? Comment je viens tous les jours à l'église? Mais si envie que te kwenda kumbini. Mais dans mon cœur, je n'envie même pas d'aller au ciel. Mina shaku yanza rona ma projet mingi hivi. Je suis plein de projets. Mes projets nyewe ni rikuya mu kanisa. Les projets pour lesquels je suis venu dans cette église. Kombana kwenda kumbini. C'est pour me battre afin que j'aille au ciel. Mais jusqu'à maintenant, mia kama kumbini. Si envie que te kwenda kumbini. Je n'ai jamais envie d'aller au ciel. Imani yangu haina mzuri. Ma foi n'est pas correcte. Seigneur merci. Buona parce que tu viens de me corriger aujourd'hui. Tombe Mungu. Prions tous ensemble.